bon, je vais essayer de démarrer directement parce que on n'a pas pu. J'ai pas eu de bon retour concernant notre groupe qu'on devait créer sur Rhythm Warfare, sur la science, ou du moins sur les événements qui sont reliés à la fin des temps et le monde dans lequel on vit. On verra ça plus tard. Le chapitre sur qu'est-ce qu'on doit dire après les dorakat de la sunna al-subh. La sunna al-subhi, donc elle s'appelle al-fajri, la prière en elle-même. Ah bon, le son est faible, je vais voir si ça vient de moi. Non, je suis à fond. Alors je ne sais pas si c'est de moi ou si c'est de vous. Moi, le son, il est à fond. Donc je ne vais pas faire plus que ça. Mes frères et soeurs. Donc, regarde Rachid, peut-être que ton volume n'est pas suffisamment élevé. Alors, le chapitre concernant qu'est-ce qu'on doit dire après les deux rak'at qu'on fait au moment de Al-Fajr. C'est-à-dire que ça, on parle des, ou du moins le cheikh, il parle des deux rak'at sunnah. C'est pour ça qu'il est dit ba'adu rak'ati sunnah. Après les deux rak'at sunnah, qu'est-ce qu'on doit dire? Rawayna fi kitab ibn Sunni an Abi al-Mulih wa ismuhu Amir ibn Usama an abihi radiyallahu anhu arda annahu salla rak'atay al-fajr وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قريبا منه ركعتين خفيفتين ثم سمعه يقول وهو جالس اللهم جبريل وإسرافيل وميكائيل ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من النار ثلاث مرات. Alors, un jour, donc il a été rapporté dans le livre de Ibn Sunni, An Abi Mulih, qui s'appelle Amir ibn Usama, il a rapporté de son père, radiallahu anhu, annahu salla rak'ata, il a prié les deux rak'at al-fajri. Donc juste pour revenir à ce qu'on avait dit à un moment donné, je ne sais pas si vous vous rappelez pour ceux qui étaient présents, qu'il y avait, une mauvaise compréhension sur les termes qu'on emploie au jour d'aujourd'hui. Subh al-fajr, c'est quoi l'obligatoire et la surérogatoire? Donc la sunna, quand on dit la surérogatoire, c'est-à-dire rak'ati sunna. Donc il a été rapporté, du moins si on revient sur les textes anciens, on voit bien, là en tous les cas, ce qui a été dit, c'est que ce compagnon a rapporté que son père a dit qu'il a prié, d'accord, il a prié les deux rak'at al-fajri. Donc al-fajr, on déduit que c'est la sunna, c'est la prière sunna, c'est la prière surérogatoire. Attention, quand on dit surérogatoire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la faire, qu'on peut la délaisser facilement et qu'elle n'a pas d'importance dans notre vie ou dans notre pratique. Non, ça ne veut pas dire ça. C'est juste pour faire la distinction entre ce qu'Allah a décrété comme obligatoire et qu'on se doit de le faire, et que si on le fait, on est rétribué, si on ne le fait pas, on est châtié, on mérite le châtiment, et d'autres actes qui sont surérogatoires, c'est-à-dire fortement recommandés. Mais si la personne la délaisse, elle n'a pas de péché. D'accord ? C'est juste d'un point de vue usuli. Usuli, c'est-à-dire ahkam al-usuli. C'est les fonds par rapport au fondement de la jurisprudence. C'est-à-dire que ma da yatarattab ala fa'ilu ou ma la yaf'al. Qu'est-ce qu'il implique ou qu'est-ce qu'il impose ou qu'est-ce qu'il sur celui qui le fait ou pas ? Est-ce qu'il est récompensé ? Est-ce qu'il n'est pas récompensé ? Est-ce qu'il est châtié ? Est-ce qu'il mérite le châtiment ? Est-ce que. Et ainsi de suite. Donc c'est juste par rapport à ces statuts-là. Donc, rak'at al-fajri, on déduit que c'est la prière qui est bien juste avant la prière obligatoire qui est as-salat as-subh. Je détaille, hein, mais même si ce n'est pas l'objectif du livre, comme vous le savez, l'objectif du livre, c'est juste de dénumérer l'ensemble des invocations qu'on a dans nos différentes ibadat, ou dans nos différentes actions, ou dans notre vie. Donc il a dit qu'il a prié deux raka'at al-Fajri, ou anna Rasulullah salla qariban, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait juste à côté de lui. Pareil, raka'atan, raka'atayn, donc deux raka'at, khafifatayn, légère, c'est-à-dire que c'était pas des raka'at de 10 minutes, c'est des raka'at légères. Bon, je pense peut-être voilà, le temps de lire le Fatiha convenablement, correctement, pas comme aujourd'hui. Un khafifatayn, attention, là c'est pas du khafifatayn, les gens qui prient. Hein. C'est Allah al-Musta'an, ils sont en mode, de, je sais pas, TGV, ou je crois qu'ils ont des choses à faire et ils n'ont pas le temps. C'est, comme il disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme un coq qui picore en fait. C'est en l'espace de deux minutes, même pas, tu ne sais pas quand est-ce qu'il a fait le record, quand est-ce qu'il a fait ce jour. Déjà, tu te demandes comment il fait pour faire les invocations et comment il fait pour réciter, en fait. Et, bref. Donc, Khafifatayn, ça ne veut pas dire que tout était précipité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il récitait vraiment Al-Fatiha et les petites sourates. Donc, Al-Fatiha, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين donc il respectait les ahkam tajwid, donc il a récité le Coran comme il lui a été transmis, pas comme aujourd'hui bismillah الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين هذه c'est du foutage de gueule déjà d'une qui ne respecte même pas les règles de tajwid et ils se permettent de voilà. Donc après ces individus là on se demande pourquoi ça se passe pas bien, on a des problèmes dans notre vie, ou dans notre tête, ou dans nos relations, ou avec nos enfants, ou avec Allah, ou du moins qu'on sent qu'on a que la poisse, ou que, a'oud billah, ou qu'on a que des... Regardons notre pratique, et surtout, regardons notre prière. Et je dirais même, regardons qu'est-ce qu'on fait en amont de la prière, c'est-à-dire avant la prière. Parce que quand on va... Avant d'aller faire ses ablutions, on est conditionné, on fait du dhikr, on se prépare à se présenter devant Allah, ou est-ce qu'on le fait machinalement, bêtement et automatiquement? Et après, bah, notre prière, on ne sait même pas où est-ce qu'on était. J'ai rendez-vous tout à l'heure, après, il ne faut pas que j'oublie, j'ai un message à envoyer, après mon courrier, il faut que j'aille déposer mes enfants, il faut que j'aille faire les courses. Voilà notre état au jour d'aujourd'hui. Et ce sont des causes qui nous amènent aux conséquences qu'on vit. Donc, il a prié auprès du prophète, à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui a fait deux raka'at légères. Et ensuite, il a dit, Jalasa, et il a dit, donc il était assis, après donc At-Taslim, le salut, et il a dit, Allahumma Rabba Jibril, ô Allah, Seigneur de Jibril, de Israfil, de Mikaïl, ce sont des anges, et de Muhammad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il a évoqué quatre choses. Ensuite, il a dit, A'oudou bika minan nar, je demande ta protection contre ton feu. Je demande protection contre ton feu. Je demande protection contre ton feu. Donc il l'a récité trois fois. Wa hada al-hadith. Wa hada al-hadith hasan, kama fi sahih al-jami' al-sahir. معزول الطبراني والحاكم عن أبي المليح عن أبيه والحديث في عمل اليوم والليلة لابن السني. Donc c'est un hadith حسن كما في صحيح الجامع الصغير comme il a été rapporté dans le livre الجامع الصغير صحيح الجامع الصغير de الطبراني. D'accord, الطبراني ce ne sont pas les contemporains, ce sont les anciens. Et qui a compilé aussi un livre, donc c'est un historien, entre autres, hein, c'est-à-dire qu'il a beaucoup, beaucoup écrit sur tout ce qui est l'histoire al-Tarikh al-Islami, je vous en avais parlé, et donc ce livre-là, il l'a recensé ce hadith, donc c'est un hadith authentique, ça veut dire que tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, barakallahu fikoum, je pense qu'on essaiera de le faire peut-être pour voir qui c'est quoi, non pas pour tester, ainsi de suite, c'est pour qu'on se mettre face à cette science. Qu'on fasse ce travail avant que on nous le fasse comment ça s'appelle, contre nous. C'est-à-dire, tout ce qu'on est en train de lire et d'apprendre, à un moment donné, on va s'arrêter. Est-ce que je fais ce que j'ai lu? Est-ce que j'ai commencé au moins? Est-ce que j'ai essayé ou pas? Parce que sinon, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que le jour où Allah, il va nous mettre, le jour du jugement, on va être face à lui, il va nous dire, voilà, je vous ai facilité cette chose-là, vous avez appris, vous avez été instruit. Qu'est-ce que vous en avez fait? Donc encore une fois, la science n'est pas une parure avec laquelle on s'embellit. C'est une lumière avec laquelle Allah nous préserve et nous raffermit. Et donc cette science, elle est ou pour nous ou contre nous. Donc là, c'est pas du passe-temps, de la distraction, du divertissement. Le but, c'est au moins de pratiquer ça comme ils ont dit les chouyours, et même ce qui a été dit dans le début du livre, au moins une fois dans notre vie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand une sunna est revivifiée, Allah fait en sorte qu'une bid'a meure. Et l'inverse aussi. Quand une bid'a naît, une sunna peut s'effacer si ses partisans ne font rien pour. Donc, Inch'Allah, j'espère que ça va être notre cas, bihawlillah, que ça soit une science qui nous soit profitable, une science utile. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait juste en fait après salat al fajr, اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ça c'est une invocation aussi qu'on verra sûrement dans d'autres livres, parce que là apparemment il n'a pas été recensé. Et ça c'est une invocation aussi qu'on dit après salat al-fajr. On dit اللهم إني أسألك علما نافعا. Et العلم النافع, la science utile, comme j'ai appelé le titre du groupe, en fait, c'est une science utile, c'est-à-dire qu'elle te sert à quelque chose. On ne peut pas parler d'utilité si elle ne te sert pas la chose, d'accord? Ou si elle ne nous le sert pas. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après salat al-fajr, il faisait aussi cette invocation. Oh Allah, fais en sorte que ça soit une science utile pour moi. Allahumma razuqna ilman nafi'an. Allah donne-nous une science utile. Wa rizqan tayyiban. Une bonne subsistance. Wa amalan mutaqabbalan. Et des actions acceptées. C'est-à-dire, prescris-nous des actions que tu vas nous faire et que tu accepteras et que tu agréeras, ya Allah. Donc voilà. Ça, c'était la première invocation. La deuxième invocation, wa rawaya fihi an Anas radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala man qala sabihata yawm al-jum'ah qabla salati al-ghadat al-ghada astaghfirullah alladhi la ilaha illa hu al-hayy al-qayyum wa atubu ilayhi thalath marrah ghafara Allah ta'ala dhunubahu wa law kanat mithla zabad al-bahr. Ce hadith est... Bon, on ne va pas trop s'attarder sur celui-là parce que c'est un hadith faible, mais je vais le traduire rapidement. Il dit celui qui dit au moment, au premier lever du jour, du jour de Jumu'ah, c'est-à-dire dans les premières lueurs de la journée de Jumu'ah, qui dit après Qabla. Qabla, c'est avant Salat avant plutôt la prière comment ça s'appelle, de Jumu'ah, qui dit Astaghfirullah alladhi la ilaha illahu al-hayy al-qayyum wa atubu ilayhi, trois fois Allah lui pardonne ses péchés même s'ils atteignent Zabad al-Bahr. Zabad al-Bahr, je sais pas comment appeler ça, l'écume de la mer. Ouais, c'est ça, l'écume de la mer, ok. Zabad al-Bahr, l'écume de la mer. Par contre, ce hadith est rapporté, donc je vais dire Akhrajahu ibn Sunni fi amal al-yawm wa al-layla. Ibn Sunni a rapporté ce hadith dans comment s'appelle Amal al-Yom wa al-Layla wa Ibn Asakir kama fi at-tahdhib at-tarikh Dimashq wa isnadahu dha'if fihi Khafis Ibn Abd al-Rahman al-Juzayri as-Saduq lakinnahu سيء الحفظ خلط بآخره ورمى بالإرجاء وفيما دونه من لم أعرف. Bon, ça c'est des règles de... Je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'on n'est pas des muhaddithim, des savants du hadith. Mais je vais vous donner quelques explications rapidement. En fait, ce hadith a été affaibli. Il a été affaibli parce que en fait, il y a un individu qui s'appelle Khafif ibn Abd al-Rahman, c'est quelqu'un de véridique, en fait c'est quelqu'un d'honnête, mais il a une faiblesse au niveau de la mémorisation. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un de très fort au niveau du hadith. Du coup, voilà. En fait, tout ça, ce sont des règles que les gens des savants du hadith ont établies à un moment donné. C'est-à-dire qu'ils ont mis plein de règles. Des fois, c'est parce que c'est quelqu'un de pervers. Des fois, c'est parce que c'est quelqu'un. Par contre, ça peut être un hadith authentique, mais juste parce que la personne, en fait, n'est pas digne de confiance, ils vont pas lui prendre ce hadith. Mais il se peut qu'il est authentique, qu'il soit retrouvé ou qu'il soit relaté par un autre compagnon, par un autre, tabi'in, ainsi de suite, et qu'il retrouve le même hadith. Mais sauf que l'autre, en fait, il n'était pas fiable, en fait. Donc cette science-là, c'est vraiment une science de gens qu'Allah a élus ou qu'a préservé et qui ont transmis ce ilm. Alhamdulillah. Et il y a aussi une autre catégorie, ou du moins une autre condition que les savants, j'énumère pas toutes les conditions, mais c'est certaines conditions comme ça, histoire que ça vous donne quelques idées. En fait, ils l'ont dit donc qu'il était quelqu'un d'authentique, mais il était faible au niveau de la mémorisation. Et du coup, en fait, il mélangeait les chaînes de transmission, et il mélangeait des fois les hadiths, c'est-à-dire le contenu du hadith. Il ne le faisait pas volontairement. Mais malheureusement, du fait qu'il avait une mémorisation un peu faible, et donc que ce soit dans les chaînes de transmission ou dans le contexte ou dans le contenu, des fois il mélangeait. Donc du coup, il ne prenait pas ses hadiths. Ou du moins, ses hadiths, il les prenait, mais il mentionnait qu'il est faible. Ce n'est pas le hadith et ainsi de suite qui est faible. C'est lui qui est faible, en fait, dans sa mémorisation. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Et on s'arrête ici pour ce chapitre-là. On verra le prochain chapitre. Babu ma yaqulu idhan taha ila as-saff. Le chapitre quand on finit un rang. Voilà, et ça, moi, je mets juste marque stop. Ensuite, on rentre dans le cercle. Je ne sais pas si c'était le rapide. Hein. Je pense que c'était en vue d'avoir un bidet. Alors, on était dans le chapitre concernant les bienséances à avoir quand on fait ses devoirs. Alors, on s'était arrêté. Ok. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده يتدخل يقضي حاجة قول في قارعة الطريق. Donc on s'était arrêté, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui ont pris des notes bien sûr, le chapitre en fait il se divise en plusieurs catégories. Le chapitre de comment les bienséances concernant le fait de faire ses besoins. Le cher a cité trois grands chapitres. Et de ces chapitres-là, il a cité des points. Donc le premier chapitre, c'était concernant ce qui était obligatoire, ce qui était interdit. Ce qui est interdit est au nombre de 6. De se mettre en direction de la Qibla, de faire ses besoins en pleine rue ou dans des passages où les gens passent, dans l'ombre, et Mawaridin Nes, dans les endroits où les gens se réunissent ou se regroupent. Ensuite, on avait le troisième, Wasat al-Qubur, dans des cimetières, Film al-Rakid, dans l'eau qui est stagnante, dans les mosquées, et l'istinja bi-rawthin ou azmin ou ta'ami. Donc de faire de s'essuyer avec des eaux, avec des excréments ou des choses comme ça qui étaient interdites. Ça, ce sont six choses qui sont interdites. Donc on a vu le premier point la semaine dernière. Là, on va voir le deuxième point. D'accord ? Et donc, c'est fi qari'at al-tariq wa dhilli wa mawarid al-nas. Donc, ces trois points, on va les voir inchallah aujourd'hui. قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه. Donc Abu Huraira, c'est un compagnon. Il dit: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين اللعانين اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: craignez la malédiction. Craignez la malédiction. C'est-à-dire, craignez qu'on vous maudisse, quoi, en gros. Et après, les compagnons, ils ont dit: mais comment on va nous. Enfin, ils ont dit: mais c'est quoi ceux qui sont ceux qui maudissent, en fait? Il a dit: c'est. الذي يتخلى في الطريق الناس أو ظلهم. C'est celui qui fait ses besoins dans le enfin, sur où les gens y passent ou dans l'ombre, c'est-à-dire dans des endroits où il y a de l'ombre. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui va, par exemple, imaginez-vous, il est atteint d'une chaleur extrême et il a envie d'un peu d'ombre. Et il n'a pas d'autre endroit que ça. Et au moment où il arrive à ce moment-là, dans cette partie où il y a de l'ombre, il voit qu'elle est infectée de pisse, d'excréments et de choses comme ça. Qu'est-ce qu'il ne peut pas rester? Et surtout qu'avec la chaleur, tout ça, voilà, ça dégage des odeurs insupportables. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il sera contraint de continuer son chemin plus loin pour ça, et de chercher à s'arrêter plus loin. Mais entre-temps, il va souffrir. Ben, ça va être encore plus tortueux, plus éprouvant pour lui. Donc dans ce cas-là, il se peut que cette personne-là, elle va maudire ces gens-là ou la personne qui a fait. Tu vois, vous voyez, vous avez compris. Pareil pour le chemin. Par exemple, tu marches sur le. Moi, ça m'arrive, ça fait là dans le travail. Des fois, on va ouvrir on trouve des excréments et ainsi de suite. Bon, c'est peut-être pas forcément les gens, mais leurs animaux et ainsi de suite. Et des fois, ça m'a arrivé de marcher dessus ou de glisser dessus. Ben, j'insulte. Enfin, cette affaire-là, sur le moment, tu insultes parce que en réflexe, après, je demande pardon. Mais voilà, en fait. Je vais donner un exemple, mais ça peut arriver à tout le monde. Vous voulez, par exemple, vous garer, ou je ne sais pas quoi, vous allez marcher sur un truc, ou vous allez être éclaboussé, par exemple, de. Ça va vous mettre dans un état. Voilà. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait, c'est un comportement qui nous recommande d'avoir. C'est de ne pas le faire, non pas que parce que les gens ils vont nous maudire, c'est parce que, bah, en même temps, tu peux te retrouver dans cette situation-là, et qu'est-ce que tu ferais dans ce cas-là? Tu vois? Donc, on continue. Vous avez compris, alhamdoulilah, subhanallah, il n'y a qu'à le sœur Hind qui participe. Barakallahu fikum, participez min fadlikum. Si je vous demande si c'est compris, c'est pas pour faire beau, moi j'ai compris. C'est pour vous. Sinon, je vais lire d'un trait, je ne vais pas m'arrêter. À un moment donné, vous n'allez rien capter. Vous allez capter, on va dire, 2%. Ce n'est pas le but. J'essaie vraiment de mâcher, de tourner les phrases de différentes manières et de donner des exemples concrets pour que ça soit accessible. Parce que, vous savez, normalement, les livres de science religieuse, wallah, c'est pas qu'ils sont pas accessibles. Si on n'a pas un certain niveau et comprendre la méthodologie des gens de science, vous pouvez attendre. Mais bon, voilà, je suis en train de dire que je fais des efforts pour vous et ainsi de suite, je le fais avant tout pour Allah. Mais j'espère que ça soit bénéfique et profitable pour vous. Que ce ne soit pas juste des actes de présence. Que vraiment que vous sortiez de ces cours et ainsi de suite avec vraiment des connaissances et que ça ait un impact dans votre vie. Inch'Allah ta'ala. Donc, la'anan amran yajliban la'an li fa'ilihima. Donc, Là, je ne vais pas le traduire parce que, wafikoum barakallah, je ne vais pas traduire ça parce qu'en fait, je vous ai expliqué c'est quoi l'anan, ceux qui maudissent. D'accord? Donc là, le cheikh, il a juste expliqué ceux qui maudissent. Yatakhalla yaqdi hajatahu. Yatakhalla dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qa alladhi yatakhalla fi tariqin nasi aw dhillihim. Donc là, on a expliqué l'anan, ceux qui maudissent, qui sont-ils? Et ensuite, le cheikh, il dit yatakhalla. Il traduit ou il explique yatakhalla yaqdi hajatahu. Yatakhalla, ça veut dire celui qui fait ses besoins. C'est-à-dire qu'il se laisse aller, quoi, en gros, quelque part. C'est pour ça que ce n'est pas de la traduction du mot à mot, c'est une traduction par le sens. Yatakhalla, c'est celui qui fait ses besoins. An Mu'ad ibn Jabal, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ittaqu al-mala'in al-thalath. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mu'ad ibn Jabal, radiallahu anhu, a rapporté un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: ittaqu al-ma'alan al-thalath. Craignez les trois causes de malédiction ou qui causent la malédiction. Al-baraza, al-baraza fi al-mawaridi wa qari'ati tariq wa dhill. Bon. Les trois choses qu'on a mentionnées. Les deux choses qu'on a mentionnées, donc c'est de faire ses besoins. En fait, c'est les endroits en fait, où les gens s'agroupent, où pas s'attroupent, mais des endroits où il y a des places de marché, des points de rencontre, des points de... comme on a dans nos pays, vous savez, il y a des endroits, c'est des places de taxi, c'est des places de trucs comme ça. Vous voyez, en fait, c'est donc tous ces endroits-là où il y a des activités humaines, peu importe, commercial ou rencontre sociale, bref, peu importe, des endroits où les gens se regroupent, d'accord ? Wa qari'ati at-tariq, donc dans les endroits ou dans les chemins ou dans les passages que les gens empruntent, et dans l'ombre. Donc ce sont trois causes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé d'éviter de faire ses besoins. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça ne s'applique pas qu'à nous. Si on, par exemple, on a des gens autour de nous et ainsi de suite qui vont... voilà, il faut essayer d'éduquer aussi des gens. Al-mawaridu turuqul ma. Al-mawaridu turuqul ma, oui, j'ai oublié. En fait, dans le mawaridu, on peut aussi inclure les endroits où les points d'eau. Vous voyez, des points d'eau, comme je disais tout à l'heure, en fait, parce que j'ai pas toutes les idées en tête, hein, toutes les choses qui peuvent se rassembler, qui peuvent rentrer dans cette catégorie-là. En fait, tous les endroits où il y a des rassemblements d'eau, comme à l'époque, il y avait des endroits, les points d'eau, où c'était des endroits où il y avait des puits ou des choses comme ça, il y avait pas mal de bétail, il y a des fois, il y a des gens qui commercent aussi, il y a des caravanes et ainsi de suite. Donc, tous ces endroits-là. Qari'at al-tariq, c'est au plein milieu de la route, du chemin. Ensuite, l'ombre, comme je l'ai dit, c'est l'ombre par laquelle les gens tirent profit. Qala al-sam'aniyu al-mawaridu bit-takhalli fi tariq al-nas fa innahu yu'dhihim bini. Attendez, excusez-moi. Donc, المواريد بالتخلي في طريق الناس فإنه يؤذيهم بناتبه واستقباله ويؤذي إلى لعنه فإن كان جائزا فقد تسبب في الدعاء عليه بإبعاده عن رحمة الله وإن كان غير جائز فقد تسبب إلى تأثيم غير بلعنه. En disant que al-mawarid ou bit-takhalli fi tariq an-nas, en fait, le fait de faire ses besoins dans ces endroits-là, ainsi de suite, c'est un peu ce qu'on a essayé de développer tout à l'heure, juste un peu avant. en fait, ce sont des causes qui vont nous créer des problèmes. Parce que ça peut créer l'énervement ou la gêne. Ou, on ne sait pas à quel niveau la personne elle va se retrouver dans cet endroit-là. Ou qu'est-ce qui peut se passer. Ou peut-être qu'elle est remontée, ainsi de suite. Parce que c'est sûr qu'il n'y a pas tout le monde qui va maudire. Mais ce sont des causes qui peuvent créer à créer ou à causer des problèmes à la personne qui fait ça dans ces endroits-là. Donc encore, voilà, c'est des choses qui vont causer, quelque part, qui vont lui causer des problèmes. فإن كان جائزا فقد تسبب في الدعاء عليه بإعاده. Donc si il accomplit cet acte là, bah on va dire c'est norme. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prévenu s'appliquera. Et c'est quoi? C'est إبعاده عن رحمة الله. C'est quoi اللعنة? La malédiction, c'est quoi? C'est l'éloignement de la miséricorde d'Allah. Allah nous en Et bon, bah, on s'arrête ici parce que après c'est le prochain sujet. On a fait le deuxième et là c'est le troisième point. N'oubliez pas, là on était en train de voir six points qui sont interdits. On a vu le premier point la semaine dernière, là on a vu le deuxième point qui est le fait de faire ses besoins dans des endroits d'attroupement d'êtres humains, que ce soit des points d'eau, que ce soit des points de. Bref, où il y a des gens qui font des choses, ou sinon sur le chemin, sur la route, sur les passages ou dans l'ombre. Donc ça, c'est ce qu'on vient de voir. Et le troisième, c'est Wasat al-Qubur, en plein milieu des tombes. Et ça, c'est le sujet qu'on verra la semaine prochaine, Inch'Allah. Ok ? On s'arrête là, Inch'Allah. On commence à l'Aqida, Inch'Allah. Ou du moins, on continue à l'Aqida. On s'était arrêté. Je vais essayer d'avancer assez rapidement pour qu'on puisse rentrer un peu plus dans le fond du sujet. Je ne me rappelle plus exactement où est-ce qu'on s'était arrêté. Pourtant, j'ai mis une marque après. Je pense que c'est là où on s'est arrêté. La Tarin de l'Islam. Alors, ومن الأدلة على أن الإيمان بالله جل جلاله أصل من أصول الإيمان يجب الإيمان به ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن به. طب. Donc, ومن الأدلة على أن الإيمان بالله جل جلاله أصل من أصول الإيمان. Et parmi les preuves que la foi en Allah fait partie des fondements, parmi les fondements de la foi, qui est une obligation à avoir comme conviction, c'est-à-dire d'avoir tout ce qui est révélé par Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que cette foi ne peut être correcte ou valable que de l'individu que s'il croit en ce qui sera mentionné. D'accord. Il y a un verset où Allah, et là on va voir quelques versets. قال الله تعالى ليس بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Donc Allah dit, la foi révérentielle ne se comporte pas ou ne se confine pas à ce que vous tourniez vos visages vers al-Mashriq ou al-Maghrib, l'Orient ou l'Occident, dans le sens où vous cherchez la face d'Allah et vous l'adorez à travers les prières et ainsi de suite. Et les du'a, même quand vous levez votre tête pour faire vos, quand on lève notre tête pour faire le du'a. Par contre, walakin al-birr man amana billah. Par contre, la foi réelle, c'est la croyance en Allah, wal-yawm al-akhir, le jour dernier. Et on l'a dit, tout ce qui concerne le jour dernier dans le livre des trois fondements. Ne l'oubliez pas. Donc là, c'est des termes normalement qui doivent vous donner plein de sens. وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. Donc la foi qu'Allah à laquelle il nous appelle, c'est la foi en lui, au jour dernier. Et le jour dernier, c'est tout ce qui est dans l'invisible, tout ce qui est en dehors de notre monde. Ça rentre dans l'invisible. D'accord ? C'est la science de l'invisible, il y a la science du jour dernier, il y a la science, il y a le, ça rentre dans le, il y a le paradis, l'enfer qui rentre, le jour des comptes, le jour où Allah il va nous donner notre livre, le jour où on va être face à la balance, le jour où on va devoir être devant le pont qui va être dressé juste en dessous de l'enfer, au-dessus de l'enfer plutôt. Tout ça, ça rentre dans Al-Yawm Al-Akhir. Donc la foi, c'est aussi de croire aux anges, aux livres et aux prophètes. Donc la foi à laquelle Allah nous appelle, c'est pas de tourner nos visages et de donner l'aumône et d'être bienfaisant vers ses parents ou avec l'orphelin et ainsi de suite. Ça, ce sont des branches, ça, ce sont al-furu'a. Par contre, al-asl, parmi les usul, al-iman, c'est ce qu'on vient de citer. Qui est tiré du Coran. Donc, c'est ce qu'Allah a dit. La foi n'est pas en ce que vous tournez vos visages de l'Orient ou de l'Occident. Par contre, la foi est de croire en Allah, de croire au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Et on a bien vu que le mot croire, ce n'est pas juste at-tasdiq, le simple fait de dire je crois. Ce n'est pas le cas. On l'a bien vu. Et on va le voir dans ce livre-là, inshallah ta'ala. وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ. آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ. Donc ce verset-là, je pense que je ne vais pas le traduire, vous le connaissez. Normalement, c'est un verset que tout le monde doit lire, ou que tout le monde a dû lire. Et si ce n'est pas le cas, allez le lire, et en même temps sa traduction. C'est les deux derniers passages, les deux derniers versets de Sourate Al-Baqarah. Et ça, ce passage-là, il rentre dans des invocations à faire. Je vous laisse je vous laisse faire des recherches. Donc, à quelle invocation elle est rattachée cette dernière partie? Donc en fait, en gros, ça revient à la même chose. En fait, ça revient à la même chose, c'est parce que c'est pour mentionner qu'est-ce que la foi. Donc à chaque fois qu'il va être établi un sujet, les preuves qui vont être évoquées, ils vont forcément contenir l'argument qui a été développé avant. Donc là, en l'occurrence, c'est concernant donc la foi en Allah. Donc là, on voit dans le verset qu'Allah a dit, qu'est-ce qu'est la foi? La foi en Allah, aux anges, aux livres, aux prophètes, ainsi de suite. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Donc on voit bien, il y a plein d'arguments sur qu'est-ce que la foi réellement. Et là, dans le verset, Allah dit, « Oh, vous qui avez cru, croyez en Allah et au prophète et au livre qu'il a été révélé sur ce prophète-là. Et sur les livres qui ont été révélés avant lui. » Donc Allah, il nous demande même de croire aux autres livres. Attention, pas de croire aux anciens livres dans l'état dans lequel ils sont au jour d'aujourd'hui. De les croire dans l'état où Allah les avait révélés au moment où il les avait révélés. D'accord ? C'est-à-dire de croire que la Torah, c'est un livre parmi les livres d'Allah qu'il a révélé à Moussa alayhi salam. Maintenant, est-ce que la Torah de Moussa alayhi salam, c'est la même que ceux qu'ont les Juifs au jour d'aujourd'hui ou ceux qui avaient avant ? Non. Donc on ne croit pas en cette Torah-là qu'ils ont. On croit en la Torah qu'Allah a envoyée ou qu'a révélée à Moussa alayhi salam. Pareil pour l'Évangile ou l'Injil. On croit en celui qu'Allah a révélé à Isa alayhi salam. Pas à ceux qu'il y a au jour d'aujourd'hui entre les mains des chrétiens, que ce soit les orthodoxes, les catholiques, les protestants et ce que vous voulez. Donc, et celui qui mécroit en Allah et en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, et au jour dernier, il s'égare vraiment d'un égarement lointain. Ça veut dire qu'il n'y a pas plus loin, quoi, comme égarement. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Ça, c'est un hadith qui a été rapporté de Ibn Omar, de Omar ibn al-Khattab رضي الله عنه, de l'ange Jibril عليه السلام. Et ce hadith est connu et reconnu et répondu et expliqué en long, en large, en travers. Il s'appelle hadith Jibril. Et c'est une partie donc du hadith Jibril. Et ça, c'est la partie donc, qui a été rapportée de Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Et pareil, on a dans ce hadith les conditions de l'iman, les piliers de l'iman. L'iman, an tu'mina billah, c'est de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour dernier, au destin, bien ou mauvais, ou à la prédestinée plutôt. Wal-iman billah subhanahu wa ta'ala aham usul al-iman. La foi. Donc là, on a cité plein de conditions de la foi. Mais la plus importante, la plus valeureuse, la plus noble, la plus gratifiante et la plus récompensée, c'est la foi en Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui a été dit. Aham usul al-iman, c'est le plus important. Et c'est de là que tous les autres piliers en découlent. وَأَعْظَمُهَا شَأْنًا لِذَا قَدَّمَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عِنْدَمَا ذَكَرَ أُصُولَ الْإِيمَانِ فِي كِتَابِهِ وَعَطَفَ عَلَيْهِ بَقِيَّةَ الْأُصُولِ. C'est un peu ce que j'ai traduit. C'est que c'est la plus importante des sciences. Et c'est pour ça que c'est Allah qui est au-dessus de toutes ces sciences-là, et de sciences, donc la science d'Allah, la foi en Allah, découle tous les autres fondements. La foi aux anges, la foi aux livres, la foi aux prophètes, la foi au jour dernier. D'accord ? Ils sont tous reliés à Allah, subhanahu wa ta'ala. قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. Pareil, c'est la dernière partie de sourate al-Baqara où Allah dit آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. J'ai cru en prophète averti le بما أنزل إليه qui a été envoyé إليه vers eux de la part d'Allah aux croyants. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi, jusqu'à la fin du verset. Donc, j'ai cru en Allah, ou kullun amana billah, nous croyons tout en Allah, aux anges, aux livres, aux prophètes, ainsi de suite. Je ne sais pas si ça va pour tout le monde jusqu'à maintenant, jusqu'à présent, parce qu'on va s'arrêter ici. Alhamdulillah, c'est compris. Ça, c'est vraiment, Inch'Allah, un livre de base. C'est vraiment un livre pour les débutants comme nous. Pour qu'après, on puisse rentrer dans d'autres livres de science. Et ce que je ne vais pas en revenir sur ça, mais ça me tracasse toujours. Je déplore en même temps cet état-là, qu'on n'a pas de méthodologie à ce niveau-là. Alors que notre félicité ou notre paix ou notre salut, il est dans ce point-là principalement qu'on est en train d'évoquer. D'avoir une bonne liaison avec Allah, parce que tout en découle en fait. On nous demande de nous fatiguer dans les hajj ou le jeûne ou les hijab ou le jilbab ou la barbe ou ainsi de suite, alors que tous ces gens-là ne connaissent même pas leur créateur. C'est pour ça qu'à un moment donné, des fois, on est certain élan, et après, boum, on tombe. On tombe, mais très très bas, et la chute, des fois, est très, très violente. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne sait pas qui est-ce qu'on adore. Au lieu de prendre du temps sur ce sujet-là, et de laisser ces sujets venir au moment où Allah nous raffermira et nous permettra de l'accomplir, mais d'une manière ferme, rigoureuse et stricte, non, on rentre dans les branches, on applique les branches, ouais, il faut faire la prière, ouais, il faut faire, ça c'est interdit. Ouais, mais est-ce que tu connais ton créateur déjà ? On parle d'interdit. Apprenons d'abord à connaître notre créateur, et ensuite, les actes qui vont venir derrière, on va les faire pas naturellement, on va les faire vraiment avec la crainte, avec la peur, avec l'espoir, avec l'espoir de la récompense à Allah et qui nous raffermit, c'est qui nous égare pas. Parce que, en fait, c'est ça qui va nous permettre en fait de rester ferme. Parce que à un moment donné, tu vas arrêter, tu vas pas pouvoir te permettre de l'arrêter dans la durée. Pourquoi ? Parce que tu sais qui est ce que tu adores et pourquoi tu le fais. Donc à un moment donné, tu vas te faire toi-même. Allah te fera toi-même à travers cette science. C'est-à-dire, non, mais ça fait 2-3 jours que j'ai pas lu. Ça fait 2-3 jours que j'arrête ici. Ça fait 2-3 jours. Non, astaghfirullah, a'udoubillah, faut que je revienne. Et en même temps, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que la personne elle va se repentir avant. Et là, il y a vraiment une réelle relation qui se crée avec Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wafaqan Allah, wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم رحمتك أرجوه فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح شأننا كلها لا إله إلا أنت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بارك الله